toute sa tête, mais elle ne s'en rend pas toujours compte. Elle oublie les petits soucis de la vie. À son âge, y a pas de quoi avoir honte. Moi, je m'en fiche, je l'aime pareil. Surtout qu'elle a l'air heureuse comme ça. Je lui rends service, je m'occupe d'elle. Elle me le rend en amour inconditionnel. Et un jour, elle se réveillera pas. La télé restera allumée sur sa chaîne Cato favorite. Elle me laissera m'occuper de ses chats. Même si elle en a pas. Et on joue au Scrabble et à la crapette. Elle gagne tout le temps, ou presque. On se balade bras dessus, bras dessous. De la place du village au terrain de basket. On passe des heures à se taire ensemble. Il paraît que c'est ça la vraie amitié. On contemple le soleil et les nuages. On s'extasie sur la beauté du paysage. Et un jour elle se réveillera pas. Et la terre s'arrêtera de tourner. Le tic-tac de la pendule résonnera dans une seconde d'éternité. Ceux qui meurent arrêtent de souffrir. Je me dis que j'y passerai moi aussi. Et qu'en attendant, je vais profiter de la vie. Et un jour, elle se réveillera pas. Et ça sera.